Alors vous écoutez Futur Simple sur ce KRL 89.1 et on va commencer par un peu de rêve. Un cinquième mode de transport, comme le définit son inventeur Elon Musk, après les bateaux, les avions, les voitures et les trains. Alors Elon Musk est en voie d'être le plus important innovateur de notre époque. Après avoir vendu sa compagnie de paiement Internet PayPal, il s'est servi de l'argent ainsi gagné pour réinventer les industries du futur. Il possède deux des compagnies les plus innovatrices en ce moment, le fabricant de voitures 100% électriques Tesla et la firme de propulsion spatiale SpaceX. Alors si on ajoute à cela le projet de transport expérimental qu'il propose, Hyperloop, nous sommes en face d'un homme qui rêve grand et qui veut en fait que notre société fasse réellement le saut dans le 21e siècle. Alors pour nous en parler, je reçois Philippe Rioux. Philippe, selon Elon Musk, c'est un inventeur. En fait, ce Elon Musk, c'est un inventeur ou un entrepreneur? C'est un beau mix des deux, en fait. Elon Musk, il a été formé en business et en physique. Donc, c'est un mix efficace pour être riche et innovant. Et après avoir vendu PayPal pour une trop généreuse somme d'argent, d'ailleurs, il a vraiment fait la passe, comme on dit. Elon a poursuivi son réel objectif, construire des voitures électriques. Ça faisait longtemps qu'il y pensait. Et il voulait aussi construire des engins spatiaux. Et c'est pour ça qu'il a commencé à travailler sur SpaceX également, qui d'ailleurs a lancé récemment une fusée qui a parfaitement fonctionné, des fusées réutilisables d'ailleurs. Mais il évolue dans son environnement futuristique en Californie, puis en ce moment, il est en train de changer la manière qu'on est en train de se déplacer en Californie avec les voitures de Tesla. Mais les voitures électriques de Tesla sont-elles assez populaires pour changer la donne? Oui, en fait, je reviens d'ailleurs de San Francisco, j'étais allé au début de septembre, et la nouvelle voiture de Tesla, la Model S, est vraiment en voie de devenir la première voiture électrique qui change la donne, qui se vend beaucoup. En Californie, c'est un marché de 40 millions de personnes, donc la Californie à elle seule, c'est plus que le Canada. Oui. La Model S, dans le marché de Californie, est un best-seller. Elle vend plus que les Audi, les Mercedes et les BMW comparables en ce moment. Donc c'est vraiment important et on en voit beaucoup. On peut se faire mal à l'épaule si on se donne une bine à chaque fois qu'on voit une modèle S passer à San Francisco. Mais à part le fait qu'elle soit électrique, est-ce une bonne voiture sur les autres aspects? En fait, c'est une excellente voiture. C'est la voiture de l'année selon plusieurs publications automobiles. Et en soi, c'est vraiment une victoire parce que les publications automobiles sont jugées des fois un petit peu conservatrices. Ils n'aiment pas d'habitude les voitures électriques, mais tout le monde a été complètement séduit par la voiture. C'est une des meilleures voitures qu'on peut acheter en ce moment. Elle est rapide, elle est luxueuse, silencieuse, confortable, sécuritaire. En fait, c'est la plus sécuritaire que l'association des assureurs américains a testée. Il n'y a pas de moteur à l'avant, les moteurs sont à l'arrière. Donc, il y a une grande zone d'absorption d'impact à l'avant, qui est en fait une valise, là, un mode de transport de marchandises, et la machine qui sert à compresser les toits pour mesurer la destruction des toits, la machine de l'association des assureurs américains a cassé en essayant de briser la Tesla Model S. Donc, ils ont dit que c'était la voiture la plus sécuritaire qu'ils avaient jamais testée. Donc, c'est vraiment une bonne voiture. Donc, les affaires de Tesla, elles vont bien. Mais quels sont les plans de l'entreprise à court terme? Après la Model S, on parle peut-être d'ici un an ou deux, ils planifient produire le Model X, qui sera un modèle utilitaire sport, urbain, basé sur la même plateforme que le Model S. Et dans 3 ans, là que ça devient intéressant, le modèle plus abordable sera disponible. On parle de 30 000 $. Et maintenant, si on parlait du projet Hyperloop, c'est quoi exactement? Un peu de contexte. Pourquoi c'est sorti en ce moment, c'est que il y a dans les plans une ligne de TGV qui se planifie en Californie, une ligne qui relierait le nord et le sud de la Californie, un des meilleurs endroits d'ailleurs pour faire une ligne TGV, à part peut-être la section Boston-Washington. C'est vraiment une zone extrêmement densément peuplée. C'est très long aussi, mais Oui, c'est quand même... San Francisco, Los Angeles, ce n'est pas une petite drive, comme on dit. Non, c'est ça. C'est vraiment long quand même. Et c'est là que le TGV fait du sens. Donc, c'est dans les plans. Ça desservirait beaucoup de millions de gens. Ce projet, il est cher, par contre. Il est très, très cher. On parle de dizaines de millions de milliards de dollars, pardon. On doit déplacer beaucoup de gens, acheter beaucoup de terre. Faut rendre le tout résistant au tremblement de terre parce que Californie. Ah, et devant tout ça, Elon Musk a rendu public une idée qui parlait depuis un certain moment, un nouveau concept de système de transport qui fonctionnerait dans un tube. Alors, un tube avec du vide ou du vent, comme les systèmes de transport de courrier en capsule dans les immeubles? Non, en fait, c'est là que le Hyperloop est vraiment intéressant, c'est que il y a des systèmes de tubes à vide qui ont été proposés. Donc on prend un tube, on met un vide poussé à l'intérieur, on fait un système de propulsion électromagnétique, etc. On peut atteindre des vitesses folles. Mais c'est difficile et vraiment coûteux de maintenir un vide poussé dans un tube aussi grand. Uh-huh. Et ce que propose Musk, en fait, c'est de maintenir une pression faible dans le tube, un vide partiel, si on peut dire. OK. En fait, qui réduit la friction, finalement, de l'air. Exactement. Ça serait comme avoir une atmosphère à 50 000 pieds, mais dans le tube. Oh là là, OK. Donc, il y a quand même de l'air, mais beaucoup, beaucoup moins qu'au niveau de la mer. Puis même au niveau des avions, parce qu'à 50 000 pieds, les avions volent pas. C'est ça. Donc, c'est vraiment une pression qui est quand même très basse, mais qui est pas le vide. Non, c'est ça. Donc, c'est ça qui règle le problème des pompes, parce que les pompes peuvent facilement maintenir ce genre de semi-vide, disons. Mais ce problème, ce système-là amène un autre problème, c'est que lorsque la capsule se déplace dans le tube, il y a une accumulation de pression d'air à l'avant du véhicule. C'est comme une seringue, dans le fond. C'est lorsque ça. Le véhicule avance, il y a de l'air qui s'accumule à l'avant. Et pour régler ça, dans le fond, les capsules seraient munies d'un gros ventilateur à l'avant qui aspirerait l'air accumulé vers l'avant et qui l'amènerait vers l'arrière. Donc, ça serait un peu comme, imaginez un moteur d'avion à réaction dans un tube. Uh-huh. Avec des passagers en arrière dans le moteur, disons. Dont le réacteur aspirait l'air de l'avant vers l'arrière. C'est ça. Mais aussi en dessous du véhicule. Et c'est là que ça devient une intégration un peu de ce système-là, c'est que le véhicule ne serait pas sur des roues ni sur des rails magnétiques, il serait sur un coussin d'air un peu comme un aéroglisseur ou les tables de hockey sur air, dans le fond. Okay. Ça serait le même genre de système. Et le ventilateur serait actionné par deux moteurs électriques, les mêmes moteurs électriques qu'on retrouve dans la modèle S de Tesla. Et ça serait en fait les mêmes genres de batteries. Donc le plan est d'utiliser les technologies accessibles en ce moment. Mm-hmm. Et selon Elon Musk, ça serait possible. Et bien sûr, aussi, il faut que les capsules soient étanches parce qu'évidemment, les voyageurs ne peuvent pas voyager à des pressions aussi faibles que ça. Exact. Ça serait un peu comme un avion dans ce sens-là. Ça serait une cabine pressurisée. C'est ça. En fait, est-ce qu'on sait comment ces capsules-là seraient propulsées? Oui, en fait, c'est qu'il y aurait dans certaines sections du tube des moteurs électriques linéaires. Donc, ça serait une interaction sans contact qui propulserait les capsules d'un point de propulsion à l'autre. Je sais pas si vous... Un peu comme un champ magnétique, quoi, un déplacement, un mouvement. Exactement, un peu comme les trains magnétiques, mais on utiliserait seulement ce système-là pour propulser la capsule et non pour la faire léviter. Oui, c'est ça. Et c'est là que ça devient quand même plus simple. Je sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, des petites pistes de course avec des petites voitures, que certaines sections de la piste de course ont des genres de roues qui propulsent les voitures d'une station à l'autre. C'est des jouets pour enfants. Ça fonctionnerait un peu comme ça, dans le fond, mais avec une accélération beaucoup plus... plus grande, discrète, mais plus graduelle que les petits jouets de voiture, sinon les gens seraient écrasés. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnerait dans les plans initiales. Et puis, quel genre de vitesse ce système pourrait-il atteindre? C'est là que ça devient efficace, là, quand même, là, plutôt intéressant. On parle d'une vitesse approchant 1000 km/h. Oh là là! Québec-Montréal en 15 minutes, là, on rit plus ici. Là. C'est plus vite que l'avion, ça? Ça s'approche. C'est plus vite que l'avion ou équivalent à l'avion. Outre la vitesse démentielle, le tube serait supporté par des pylônes qui sont beaucoup moins coûteux à installer que construire un rail de TGV. Le tube serait auto-alimenté aussi avec des panneaux solaires sur les tubes, sur la surface des tubes. Écoute, ça semble un peu trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est vraiment un projet qui est sérieux? Ben, selon Elon Musk, c'est tout à fait possible et il ne blague pas du tout avec ce genre de plan-là. Et quand il parle d'innovation, il est toujours très sérieux et il veut vraiment que ça fonctionne. Mais en ce moment, il dit qu'il est trop occupé et qu'il y a trop de projets. il est trop occupé, en fait, avec Tesla et SpaceX. Il a rendu disponibles toutes les données et les études faites sur le projet et espère que quelqu'un d'autre prendra la relève, en fait. Donc, il est juste mis l'idée dehors en disant aux Californiens, dit, au lieu de dépenser 100 milliards pour votre TGV, investissez quelques millions pour voir au moins si cette idée-là fonctionne avant de tout mettre dans le TGV. C'est un peu le désir d'Elon Musk par rapport à ça. Et c'est déjà en marche parce qu'un groupe d'anciens ingénieurs de SpaceX ont formé une nouvelle compagnie qui a vraiment pour mission de produire un prototype, un modèle de test qui permettrait en fait de régler tous les problèmes émergents à ce système-là qui sont évidemment pas réellement testés, mais sur papier, c'est quelque chose qui se tient. Mmh. Alors, passer du rêve à la réalité, mais c'est excitant, tout ça. Toujours un peu en avance, la Californie, on dirait. Tout à fait, ils sont 3 ans en avance. Comme oui, hein. Alors, merci Philippe de nous avoir expliqué ce beau projet, en espérant qu'il passe vite de la fiction à la réalité. Alors, on va faire une courte pause musicale et on vous revient après avec Jean-Daniel Doucet qui nous parlera du recyclage des matières plastiques à Québec. Et je vous rappelle que vous écoutez Futur Simple à CKRL au 89.1.